Alors j'aime, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant, tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse, un regard qui t'éclaire et te protège. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie a choisi. La vie t'a choisi. À l'origine, une peur qui s'est comme incrustée et qui tourne dans l'absurdité. Un coup mauvais sous ta peau tatouée et une mémoire malsaine qui t'a contaminé. Et l'amour qui soudain se rétrécit. Et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit. À l'origine, quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie. La vie t'a trahi. Oh, la vie t'a trahi. L'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant, tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. Alors tu retournes ton regard au-dedans et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée. Et c'est toi qui tends la main, la vie. La vie t'a repris. Oh, la vie t'a Джек родился в самый холодный день, и его сердце мгновенно оледенело. Сироту усыновила волшебница Мадлен. Она вставила ему в грудь часы, поддерживающие сердцебиение, и наказала ему соблюдать три правила, самое главное из которых – никогда не влюбляться. Однако повзрослевший Джек – анимационный фильм-мюзикл «Джек и механическое сердце» забавляет, но в который веришь с трудом. Несмотря на богатое музыкальное наследие своей семьи, Артюр Ижлен, более известный как Артюр Аш, быстро освободился от ярлыка «сын известных родителей». Артюр сумел добиться успехов во многих музыкальных направлениях. Его репертуар и его шоу отличаются определенной поэтикой, рассказыванием истории и долей юмора. Longtemps tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. chance apparaît puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Même tout de suite, dans l'instant, tu vis. Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu dois vivre, vis-le. Qui te porte, laisse-le t'emmener vers ton désir. Артюр Аш является сыном музыкантов Жака Ижлена и Николь Куртуа и единокровным братом рок-исполнительницы Изи Ижлен и единокровным братом театрального режиссера Кена Ижлена. Артюр родился 27 марта 1966 года в Париже. Будучи подростком, он с трудом осваивал учебный материал. Бросив среднюю школу в 16 лет, уехал на 3 месяца на Антильские острова. Затем родители отправили его в Бостон. Артюр изучал музыку в течение полутора лет в университете. Вернувшись в Париж, он собрал несколько групп, с которыми экспериментировал, метался между бесчисленными музыкальными течениями, среди которых были джаз, блюз и танго. Создавал свою музыкальную вселенную. L'océan, je vois danser dans le vent des visages familiers. Les vivants, les morts, tout ce que j'adore, ce qui me nourrissent au jardin des délices. Je me rappelle que tout se transforme, le cœur s'agrandit, il se croyait petit. Tout ce qui me pèse me tire vers le bas. Oh, je le dépose sur le sable rose. Devant l'océan, je vois que les vagues effacent toute trace de mes pas. Et je remercie l'éternel présent. Je vais célébrer chacun de tes baisers. Il faut résister, se transforme. Le cœur s'agrandit. Il se croyait petit. Tout ce qui me pèse me tire vers le bas. Sur le sable rose. В феврале 90-го года Артур Аш записал свой первый альбом. Это удалось в сотрудничестве с двумя компаньонами – Полом Джотти и Брэдом Скоттом. Артур Аш – дебютный альбом, который был выпущен 3 сентября. Артур Аш – это 13 песен, 13 музыкальных, жизненных историй. Alors cette histoire qui me tue, révèle-la, libère-moi et laisse-moi te prendre dans mes bras. Je partirai avant toi. Oh, il m'a dit, ne pleure pas, ne pleure pas. De l'océan, les vents chassent la pluie, oh, il m'a dit. amour, pas un bruit avant que la pluie cesse, que le soleil apparaisse. Ne pleure pas, ne pleure pas. La pluie, la pluie, la pluie. Avant que la puissance, que le soleil apparaisse, avant que la puissance, que le soleil apparaisse. And my 1989 по 1994 год Артюр дал более 700 концертов и продал около 150 тысяч копий альбомов. Он артист, абсолютно незаменимый во французском музыкальном репертуаре. Его музыка богата неожиданностями и волшебством. «Мистическая румба» – двойной альбом, выпущенный в марте 2010 года. Усовершенствованный стиль заново открыл бархатистый голос Артюра и прежде всего его тексты. «Черное золото» – шоу, посвященное карибским писателям, созданное вместе с его другом Николя Репа, стало темой нового музыкального релиза в марте 2012-го. Вторая часть этой серии вышла в марте 2014 года под названием «Золото Эроса». На этот раз Аш и Репа интересовались эротической поэзией 20 века Жоржа Батая, Джеймса Джойса, Андре Бретона и Поля Элюара. Нельзя не упомянуть и об участии Артюра в создании мультфильма Стефана Берла и Матиаса Мальзё «Джек и механическое сердце». Артюр озвучил персонажа по имени Артюр. Il y a trois règles que tu ne devras jamais oublier. Ne pas toucher à mes aiguilles, je oui, sais. Oui, mais aussi maîtriser ta colère. Je sais, mon cœur ressemble à un jouet, mais on ne doit pas jouer avec. Et la troisième, tu ne devras jamais tomber amoureux. Blanc qui parrain la dérive sur ton bout de glace, tu te griffes, tu te déchires, pudiquement se détourne le regard. Je dois préparer mon costume pour ce soir. Sur la mer, regardez-le danser. Un vrai feu de joie entre les glaciers. Je suis engagé dans l'orchestre du Titanic. C'est mon heure de gloire. Je fais l'histoire. La foi dans ce monde chaotique, tellement besoin d'un rêve, de chevaucher fantastique. Le hasard et la chance, une dernière fois me rattrape au bord du précipice où sans cesse je glisse. Mer, regardez-le briller. Moby Dick, Laval, il va le déguster. Ce soir, je joue dans l'orchestre du Titanic. C'est mon heure de gloire. Je fais l'histoire. Jusqu'au bout de cette nuit, de cette folie, jusqu'au bout avec vous. brûlait la carcasse. Personne ne sortira indemne de cette nasse. Je m'en fous, je joue pour la nuit et les étoiles. Je joue pour l'amour infini de la vie. De nuit, de cette folie, jusqu'au bout, avec vous. Délicieuse, ma redoutable, ma séditieuse, ma charitable, mon ver de terre, ma capricieuse, ma pomme de terre, ma dévoreuse, ma misogyne, mon analphabète, ma gourgandine, mon australopithèque, ma moins que rien, ma plus que tout, ma dérisoire, mon soleil noir. Je t'aime, je t'aime, sorcière. Je t'aime, mystérieuse guerrière. Ma guenon, ma prêtresse, ma reine des cons, ma poétesse. Mon condor, ma porcelaine, mon astre mort, ma souveraine, mon éternel, ma casserole, ma belle femelle, ma vieille folle, ma châtelaine, ma fauchée, ma fontaine, ma belle casème. Je t'aime, je t'aime. Sorcière, je t'aime, mystérieuse guerrière. Ma funambule préférée, tu ne sais que tomber sur ton matelas de soie, dans la poussière dorée. Tu ne sais que chuter sur ton lit parfumé au fond du ciel, au fond du ciel. La nuit, nous répandrons du beurre dans des églises de fleurs. Et des lustres de cristal neigera des pétales sur ta robe fatale. Nous pleurerons des larmes de diamants sur ton corps transparent. Nous réciterons tes divins blasphèmes et du caniveau tes poèmes. Je t'aime, t'aime. Sorcière, je t'aime. Mystérieuse guerrière. В голосе Артура сила, насмешка, полет. Альбом «Жизнь» – пестрая, но целостная работа, повествование вступлением, развитием, кульминацией, прозрачной развязкой. Лирическое по настроению, богато эмоциями и одновременно очень чистое. Comme toi, je suis sorti. Marcher au hasard, perdu, d'abîmer l'innocence. Mon amour, ma joie, mon cœur, ma patience, ma délivrance, mon espace, mon âme, pudeur, ma forêt, ma galaxie, ma vie, ma démence. Ma folie, je me suis assis sur un banc, j'ai regardé passer les gens, cette comédie qui rend fou, ce petit jeu à l'infini. Quand ton absence, sans ton regard et ta douceur, disparaît la chaleur, ne reste que la violence. Mon amour, ma joie, mon cœur, ma patience, ma délivrance, mon espace, mon âme pudeur, ma forêt, ma galaxie, ma vie, ma joie, ma vie. J'ai voulu retourner dans ma sauvagerie. Animal perdu qui s'auto-détruit. Tu possèdes les clés du royaume abandonné. Et si je dois te perdre, je me perds aussi. Très tard dans la nuit, tu es enfin rentré. On a parlé. On s'est tout dit. Puis on s'est pris dans les bras. On est resté longtemps comme ça. Toi et moi, on savait qu'un jour elle reviendrait. Артюр Аш, Леви, «Жизнь», 17 февраля 2023 года. Je suis une rose qui s'ouvre. C'est mon parfum qui t'enivre. Je suis une graine que tu sèmes. Et déjà l'arbre qui te couvre. Oh, mon étoile m'éblouit.